إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué dans le cours précédent des prémices de ce qui va arriver aux musulmans durant toute cette période mécoise, à savoir des préjudices moraux et physiques. La confrontation entre le bien et le mal, entre le tawhid et le shirk. Nous avions cité pour cela que le prophète A.S.W. a été ordonné de commencer sa prédication ouvertement, ce qui provoqua l'opposition des mécréants, notamment ceux de sa proche famille. Malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continua sa mission de prédication et au fur et à mesure des jours, des mois, la haine s'installa entre les nouveaux convertis et leurs familles restées sur l'associatrie, sur le polythéisme, sur le shirk. Les chefs de Quraysh, encore mécréants, commencèrent à se concerter pour contrecarrer cette prédication et cela va se faire de plusieurs manières. Cela commença lors de la période du Hajj, qui, comme je vous le rappelle, le Hajj était une adoration qui était pratiquée par les Arabes même avant l'islam, car ils l'avaient hérité du prophète Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam. Alors chaque année, les Arabes accomplissaient le Hajj et ils venaient de toute la péninsule arabique à la Mecque, dans les lieux sacrés. Lors de la période du Hajj, période durant laquelle tous les Arabes de la péninsule arabique se rassemblaient pour le Hajj et en profitaient aussi pour commercer et échanger des informations diverses. Les informations des tribus, les mariages, les alliances. Toutes ces choses-là, en réalité, ne pouvaient se connaître que lorsque les Arabes se réunissaient, notamment dans les fameux sourds de Uqad, proche de Taïf, puis le sourd de Dil Majaz, proche de Arafah, à une vingtaine de kilomètres de la Kaaba. Les Quraysh décidèrent donc de se rassembler et de se consulter les uns les autres. Ils prirent notamment le conseil d'un ancien parmi eux et d'un des plus grands chefs parmi les Quraishites en la personne de Al-Walid ibn al-Mughira des Bani Makhzoum. Al-Walid ibn al-Mughira des Bani Makhzoum. Durant les discussions sur l'action à mener, ils proposèrent plusieurs choses comme le fait de taxer le prophète de devin, Kahin, et ainsi discréditer son message auprès des gens. D'autres proposèrent de le taxer de poète, d'autres de fou, ou alors d'être un sorcier. Toutes ces propositions furent objectées et rejetées par Al-Walid ibn al-Mughira, car elles n'étaient pas crédibles, sauf celle du sorcier. Car Al-Walid ibn al-Mughira dira à cet effet, « Nous dirons qu'il est un sorcier, séparant l'homme de son père, de son frère, de son épouse et de son clan, et qu'il faut donc s'en éloigner. » Ils s'exécutèrent et se plaçaient sur les voies des pèlerins, les mettant en garde contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prétextant qu'il était un sorcier qui divise et déchire les familles. Certains savants disent que Al-Walid ibn al-Mughira se laissa un temps de réflexion avant de leur faire sa proposition. Il les écouta tous, puis il leur dit « Laissez-moi quelques temps pour réfléchir. » Quelques jours pour réfléchir à la situation à prendre et à suivre. Entre-temps, il rencontra le messager sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier lui récita du Coran. Durant cet événement, il apparut qu'Al-Walid fut touché par la beauté et l'éloquence de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela parvint aux oreilles d'Abu Jahl, qui, je vous le rappelle, est aussi un Bani Makhzoum, de son vrai nom Amr ibn Hisham. Abu Jahl alla le trouver et lui dit « Oh mon oncle, ton peuple veut rassembler pour toi une somme d'argent, En réalité, il voulait le soudoyer. Et il lui dit, nous voulons de toi une parole qui parviendra aux oreilles des tiens, dans laquelle tu critiques le Coran et tu y es opposé. Donc il voulait acheter le Walid ibn al-Mughira pour qu'il dise une telle parole, qu'il est contre le Coran, qu'il s'oppose au Coran, que c'est la parole d'un sorcier, et cela afin de gagner l'approbation des siens. Alors le Walid ibn al-Mughira a répondu de la sorte. Et que suis-je censé dire exactement ? Il n'y a pas une personne plus érudite que moi dans la poésie et ses maîtres prosodiques. Par Allah, ce qu'il dit, et il signifie le prophète, ne ressemble à rien de tout cela. Par Allah, ses propos sont magnifiques et empreints de beauté. Ils produisent des fruits à ses extrémités et sont très abreuvés à ses racines. Ils dominent et ne sauraient être dominés. فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنِّي ولا اعلم برجزها وبقصيدها مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وانه ليعلو وما يعلى. Voilà ce qu'a dit le Walid ibn al-Mughira, ce mécréant, ce kafir, lorsqu'il a entendu la beauté du Coran, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl lui dit alors, ton peuple n'acceptera de toi que si tu critiques ce Coran. Il lui dit alors, laisse-moi, afin que je réfléchisse à cette situation. Après une longue réflexion éprouvante pour lui, sur plusieurs jours, il revint voir les Quraysh, les notables parmi eux, et dit cette parole, c'est une magie héritée ou apprise. N'avez-vous pas vu qu'il divise entre l'homme et sa famille, son fils et son père? Allah révéla à cet effet les versets suivants de la sourate 74. قال الله جل وعلا درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Les versets 11 à 29 de la sourate 74. Allah dit à Baraka wa Ta'ala concernant son cas, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Rappelez-vous que le Walid ibn al-Mughira est le chef des chefs de la Mecque. C'est le plus ancien de tous et celui qui a la notoriété la plus accomplie. Cependant, dit Allah, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il renie nos versets et le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Et il s'est renfrogné et il a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, en parlant du Coran, n'est qu'une magie apprise ou héritée. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, le Saqar. Et qui te dira ce qu'est le Saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Et ils sont 19 à éveiller, c'est-à-dire 19 anges à éveiller. Pendant ce temps, le messager sallallahu alayhi wa sallam se postait sur les chemins des pèlerins et ne perdait pas une occasion pour appeler les gens à l'islam. Chaque rassemblement, chaque congrégation, chaque événement où les gens étaient rassemblés était une occasion pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment durant cette période du Hajj où les tribus arabes affluaient de toutes parts vers la Mecque. Rabi'a Ibn Ubad al-Du'ali, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le marché de Dhil Majaz. Le marché de Dhil Majaz, c'est un marché où se rassemblaient les Arabes et c'est la dernière étape avant qu'ils arrivent dans les lieux saints à la Mecque. Il dit donc, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le marché de Dhil Majaz. Suivre les gens dans leur campement, les appelant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et derrière lui, un homme au regard qui louche, et deux nattes à ses cheveux, disant, ô vous les gens, que celui-là ne vous trompe pas sur votre religion et celle de vos ancêtres. J'ai demandé alors, qui est cette personne qui crie derrière Mohammed? On me répondit, c'est Abu Lahab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam déployait tous ses efforts pour rappeler les gens à l'islam, aller à leur rencontre. Il y avait une personne derrière lui qui criait plus fort que le prophète et qui parasitait son message. Et cette personne était Abu Lahab, son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette occasion disait aux gens, oh vous les gens, dites la ilaha illallah, tuflihu, vous réussirez. C'est-à-dire délaisser l'adoration de Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, Wa-Hubal et les autres divinités qui étaient adorées. Et adorer Allah lui seul, subhanahu wa ta'ala. Les gens se rassemblaient autour de lui en l'écoutant religieusement, sans rien dire. Et le messager parlait, exhortait les gens. Profitait de cette occasion qui, probablement, ne se représenterait pas dans le futur. Abu Lahab était derrière lui. Il criait, c'est un hérétique, un menteur. Il veut que vous délaissiez vos divinités, Al-Lat ou Al-Uzza. Hada sabi'un kadib. As-sabi chez les Arabes, c'est celui qui a délaissé la religion des ancêtres. Donc, toute personne qui rentrait en islam, on disait de lui, qad saba'a. Il a renié, il a délaissé la religion de ses ancêtres. Donc, c'est un hérétique. Cette version a été rapportée par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission qui est bonne. Abu Lahab venait donc parasiter la prédication du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était déterminé et n'a pas laissé le messager respirer une seule seconde. Cette ardeur dans le faux venait s'opposer à l'ardeur qu'on observait chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la vérité. Et cela présageait d'une lutte longue et éprouvante entre les deux camps, le bien et le mal. Les Quraïchites s'étaient organisés pour endiguer et contenir la propagation de l'islam. Et cela s'est fait de plusieurs manières. Premièrement, il y avait les dénigrements, les sarcasmes, les moqueries, et tout cela dans le but d'atteindre le moral du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celui des musulmans. Abu Jahl lui-même disait en se moquant, Allahumma in kana hada huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alayna hijaratan min as-samaa' aw atina bi'adhabin aleem. Ô Seigneur, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Cette parole de Abu Jahl, prononcée sous le sarcasme et la raillerie et la moquerie, fut reprise par Allah tabaraka wa ta'ala et Allah y répond par la suite. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 8, les versets 32 à 34. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alayna hijaratan min as-samaa'i aw atina bi'adhabin aleem. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand ils dirent, ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. S'adressant au prophète Mohammed, à sa salam. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent le pardon. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les gens pieux. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ces versets ont été révélés à cette occasion, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, sous le numéro 4648. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens et qui nous montrent que les mouchrikin, les associatres à ce moment-là et à cette période-là de la prophétie, dénigraient l'islam, se moquaient des croyants, se moquaient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a repris plusieurs de leurs paroles disséminées ici et là dans le Coran. La deuxième méthode qu'ils employaient pour discréditer l'islam était de propager des ambiguïtés sur la prédication et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme avertir les gens contre l'islam et le salir. Le Coran nous rapporte certaines de leurs allégations prononcées à cet effet. قال الله جل وعلا بل قالوا أدغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Sourate 21 verset 5. Mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. De même, ils ont dit, وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Sourate 25 verset 4. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé et où d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Le verset d'après, وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. Ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. C'est comme si ils accusaient le prophète Mohammed (as-salam) que ce Coran n'est que la parole de scribes ou de personnes qui lui dictent matin et soir ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. La troisième méthode, et celle que nous avons citée, était de parasiter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa prédication, comme le faisait Abu Lahab dans les marchés par exemple, ou encore ce qu'a cité Allah tabaraka wa ta'ala de leurs propos. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Sourate 41 verset 26. Et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Il y avait des problématiques contestées par les associatres qui furent à la base du litige religieux qui les opposèrent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses que les associatres contestaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'un point de vue religieux. La première des choses et la plus importante, c'était son tawhid. Le tawhid constituait le plus gros problème pour eux. Ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah, mais attribuer à autrui certaines spécificités comme le fait de guérir, d'attribuer des enfants et autres, ou comme le fait aussi d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on leur rappelait cela, ils disaient وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Sourate 43 verset 23. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Le tawhid par lequel est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils le rejetèrent en bloc sous prétexte que cela ne faisait pas partie de la religion de leurs ancêtres. La deuxième problématique qui leur posait problème est la prophétie, le message. Ils n'admettaient pas qu'un humain puisse être un messager. Ils voyaient plutôt que cela relevait de la mission d'un ange. Allah subhanahu wa ta'ala répond à leurs prétentions dans le Coran. قال الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Sourate 17 versets 94 et 95. Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'il disait « Allah envoie-t-il un être humain messager ?» Dit, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là n'étaient pas des anges. Donc Allah tabaraka ta'ala a envoyé un homme parmi les hommes. La troisième chose qui posait problème était la croyance de la résurrection après la mort. Pour un grand nombre d'entre eux, ils ne croyaient pas à une résurrection et à un jugement après la mort. Et cela aussi est rappelé dans le Coran. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Sourate 37, versets 16 et 17. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossement, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres ? Donc il ne cherchait pas ici une réponse. En réalité, il posait une question dans le but de montrer leur réprobation et leur rejet. Su'al istinkari. Voici donc trois points de religion qui posaient le plus de problèmes aux associatres de Quraysh. Mais il y avait aussi d'autres raisons qui empêchaient ces associatres de répondre favorablement à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le docteur Akram Dia al-Umari, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit dans son livre As-Sirat al-Nabawiyyah al-Sahiha, Muhawalatun li tatbiq al-Qawa'id al-Muhaddithin fi naqd riwayat al-Sirat al-Nabawiyyah. Donc c'est le titre de son livre qui veut dire La biographie prophétique authentique et l'essai de concorder les règles des savants du hadith dans la critique des narrations de la vie prophétique. Il dit, il ne fait aucun doute que la soumission à l'ordre divin d'appeler les gens à l'islam ouvertement a conduit à ce que les croyants durent faire face aux associatres en montrant la véracité du tawhid et la fausseté de l'associatrie. Cela poussa les associatres à faire subir au messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons des préjudices. En plus des mauvaises croyances qui habitaient leurs esprits, croyances qu'ils héritèrent de génération après génération, ils voyaient en elles, c'est-à-dire en ces fausses croyances, en cette associatrie, un moyen pour préserver leurs intérêts sociaux et économiques, notamment lorsque les tribus arabes affluaient à la Mecque où se trouvaient près de 360 idoles adorées par les Arabes autour de la Kaaba. Cela était propice au commerce, à la vente et à l'achat, et à la réalisation de bénéfices conséquents pour les chefs de la Mecque. Dans le même registre, les routes commerciales du Yémen et du Chem étaient sûres de par les alliances et de par le respect accordé aux Quraysh pour leur statut et rang religieux. Fin de citation. Donc on comprend que le refus des associatres de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui de son messager sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement motivé par des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons mondaines. En se convertissant à l'islam, ils risquaient de perdre leur hégémonie, leur pouvoir et leur commerce lucratif. Il fallait donc qu'ils préservent à tout prix ce pouvoir et cette manne financière conséquente. Leur opposition à l'islam fut à la hauteur de ces enjeux. Dans les premiers temps, ce qu'ont subi les croyants était principalement des préjudices moraux, visant essentiellement à discréditer l'islam, la prophétie ou la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les événements se précipitèrent, un recours à des préjudices physiques pointés à l'horizon. Au bout de la quatrième année de la prophétie, l'exaspération des associatres Quraishites devant la détermination du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devant le nombre sans cesse grandissant des croyants, et devant la crainte de perdre ce pouvoir et cette hégémonie, les a poussés à devenir virulents et violents et à persécuter les musulmans. C'est là une nouvelle phase dans la période mécoise que nous aborderons dans le prochain cours. Incha'Allahu tabaraka wa ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.